Dites-moi ce qui se passe. Je traduirai. Moi, j'écoutais, là, j'ai toute la gamme, j'ai tout le chiffrier, j'ai aucun problème là-dessus. C'est vous le problème. Racontez-moi votre vie depuis le début. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé là, dans le fêteux, là, à l'intérieur du ventre de votre maman, je ne sais pas si vous êtes né dans le ventre de votre maman ou de votre papa. Aujourd'hui, en 2018, on peut venir au monde dans n'importe quelle bedaine du monde entier. Là, une bedaine de bière, une bedaine de vin, une bedaine de champagne. Moi, je vous conseille la bedaine. Excusez-moi, j'allais vous tutoyer. Je préfère la bedaine de champagne. Tant qu'à péter de la boue, pétons, c'est si beau le pain. Bon, l'accordéon, allons-y. Et puis, mais il y a l'autre, hein, je vais voir, j'ai ma boule, le futur, le présent, oh, vous voulez vous marier, le nom du mon Dieu Seigneur. Charlatanisme. Tu sais pas quel saint de vouer. Mais, tant qu'à moi, maintenant, j'ai le goût de me faire plaisir. Non, ce ne serait pas une cochonnerie. Non, c'est auditif musical. Oh, ça passe à Joe Leone, mais... Oh. Здравствуйте, товарищ Михаил Горбачев. Здравствуйте, прекрасная Раиса. У меня Нина. Über'n Tisch ziehen und zieh uns nicht über'n Tisch. Michael. Bleibe klug und bleibe schlau. Bleibe Kind und sei ein Mann. Und sei tapfer wie eine Frau. Sonst gab's Kanonen statt Butter. Jetzt gibt es Freiheit statt Butter. Mein lieber Gorbi, das macht mir Sorgi. Nix ist mit Freiheit ohne Butter. Ich will in kein Paradies drin. Die Welt soll bloß nicht so mies sein. Ich will bloß Wahrheit, Brot und Tomaten. Prost für Liebe und ein Sojabraten. Mein Russland macht sich auf den Weg. Oi, oi, Mama, blas mal in den Glut. Feuerchen, du wärmst mich und das macht mir Mut. Michael. Zieht euch warm an. Michael. Überall in Ost und West hast du Freunde, doch auch Feinde. Und die wünschen dir die Best. Michael. Aber ich wünsch dir Glück, dass du weiter deinen Weg machst, ohne Kugel ins Genick. Da streiten sich die Gelehrten, ob sie auch rund ist, die Ecke. Ist die Reform nur eine Revolution? Bist du nur Verräter oder am Recke? Hier ist das Schnuppe, ich denke, dass ich dir damit nicht kränke. An deine Taten soll man dir messen, Freiheit und Lieder und Wurst zum Essen. Oi, oi, Mama, hast ja alles kann. Macht, dumm, schnell wird man ein Tyrann. Oi, oi, Papa. Und sei ein Revolutionär. Michael. Oi, oi, oi, Michael. Michael. Oi, oi, oi, Michael. Jetzt noch einmal. Nur moderner, wieder mal den alten Zahn. Es gibt so viele Parasiten, Uniformierte, Banditen, Putschgeneräle und Offiziere, Ordenbehängte, hohe Tiere. So viele Menschenverwalter, die sehen Glasnost mit kalter Wut, mit heißem Schrecken. Die müssen wieder in der Arbeit stecken. Oi, oi, Mama, eine neue Zeit. Alle Grenzen, oi, Gerechtigkeit. Oi, oi, Kinder, klein ist unsere Welt. Und sie soll ein Kabel werden, grün und gut bestellt. Michael. Und oi, Michael. Michael. Und oi,

ça commençait ça, hein? Ça commençait comme ça. Une œuvre de Frank Zappa. Aujourd'hui, le... Hein? Quand même, on explore, c'est ça, défricher. C'est ça, faire un chemin. C'est ça, essayer de tâtonner la musique. Et puis ce soir, là, nous sommes gâtés. La semaine prochaine aussi. Doublement gâtés. Nous nous offrons de la musique à plein régime, dans un registre aussi enrichissant que ce que nous venons d'entendre depuis le début. Oh, c'est sérieux, là. Je sens que Mémé a arrêté de tricoter. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce... Ça va très bien, là. Ça va très bien, là. Votre pain est au four. Quand vous allez sortir, c'est chrono, hein. C'est 48 heures avant ça. Le verre. Putain, monsieur, hein. C'est pas comme le fromage. Oui, je tiens à vous dire aussi avant, là, avant d'annoncer mon invité, que c'est pas comme le fromage, hein. Plus c'est vert, meilleur c'est. Non, non, non. Le pain, là. Aujourd'hui, le lundi 5 février 2018, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Selon... Oui. Exactement. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Laissons la boussole aux gestionnaires de Zodanaïque. Mais non, je sais! Je sais que vous vous dites qu'il s'est trompé, mais non! J'ai voulu faire une aparté. Histoire de susciter le party, yes! Aparté, party! Restez là, non! Non, non, party, P-A-R-T-Y! P-A-R-T-Y, la fête, la surboom, là! Party, party! Wouh! Partouze, wouh! Pas allez-vous-en, là! Dehors, mon public, dehors, mon public! Non, non, non, restez là! Je recommence. Je suis un bon élève. La preuve. Aujourd'hui, le lundi 5 février 2018, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Ça va bien, là. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. J'ai un blanc. On place ou on laisse? C'est ça la question. Pas facile, hein? Est-ce que je laisse? Est-ce que je... Laissons qui? Laissons les glaçons germer. Mais au mois de février, ça germe pas, ça fige. Est-ce que je dois tout vous raconter, là, la nomenclature réglo? Non, non, non, non. Je vous invite à écouter mon ami Emmanuel Monet. Manu, rien à voir avec la chanson de Renaud. Manu rentre chez toi avec la tanière. Ça va pas se tuer. Non, c'est pas. Manu, tout ce qui suivra ma rencontre, là, mon discours, là. Attends, juste un petit peu. Pas un gros peu, juste un petit peu. Parce que moi, les gros peu, là, pff, j'ai bien peur de ça. Mais juste un petit peu. Si j'ai bien saisi ton discours... Oh, vous avez saisi? Ah, moi, je saisis tout. Surtout la musique, là, c'était bon. Mais le mi mineur de Frank Papa, là, papa, maman et de papa, là. And I wanna dream, I wanna... Il n'est pas parti, celui-là. And I wanna way, I wanna... Je ne l'ai pas senti. And I wanna door, and I wanna door, when I wanna day. C'était pas... And de papa, ça. J'ai jamais dit, madame, que c'était Wanda Papa. J'ai dit que c'était Frank Zappa. Oui, mais Zappa, c'est... Wanda, wanna day, and what a day, and a wanna, wanna, true, wanna... C'est pas Frank... Frank and the mamas and the papas. OK. Bon. J'aime bien quand vous intervenez. Merci, mais c'est moi qui sauve la planète, qui sauve aussi les imbéciles qui démissionnent dans les émissions. Et moi qui prends la relève. On m'appelle la bonne à relever. La bonne à relever. Et je lèverai. Non, je tiens à dire à toute la publicité. Non, jamais je lèverai mon jupon. Rime Madelon, rime Madeleine, rime mon jupon. Non, jamais le jupon. Le jupon, il reste en bas, puis la blague reste en haut. Donc, en haut, en bas, en haut, ça, c'est la, on appelle ça la houle. La houle. Et puis, nous allons houler avec Emmanuel Monet, alias Manu, dès maintenant, et puis à la semaine prochaine aussi. Ben, je veux dire, pas à la semaine prochaine. Ben, ouais, on sera, parce que durant l'émission, on reste là, nous, là. Mais la semaine exacte, vous comprenez trop. Ah, on a un public cible, tu sais. La capacité à 1, c'est ce soir. C'est à tous les lundis, là, on a la capacité à 1. Pas les déglingués de la fin de semaine. Non, vous êtes vraiment... Pour lancer une chanson de Julius Iglesias. Fidèle, vous êtes un public fidèle. On y va avec mon ami. Sinon, on n'aura plus de public. Le public, là, on dirait qu'il se minimise. Plus il se minimise, moins on le voit. C'est normal. Minimise-toi toi-même, tu vas voir que tu ne verras plus rien. Emmanuel Monet. Errance Rénaldienne, CKRL. Bonne émission. Et c'est maintenant. Je ne m'enfuis pas vraiment. Je pars juste en courant. Pas vraiment droite. Des excuses bien plates. Et je m'en remets à vous. Je m'en remets toujours à quelqu'un ou quelque chose ou à demain. Comment Do you really love me? Oh, m'aimeras-tu longtemps? Sais-tu qui j'ai vu il y a quelques années, puis qui m'a parlé de toi, et Matt? Mais tu sais que je viens de le quitter, là. Il a failli venir, mais il est retenu. Oh! Il te passe le bonjour. Ah, oh, ben OK, voilà. Mais tu restais la dernière fois, je crois que ça fait 2 ans que j'ai rencontré Matt. C'est ce qu'il m'a dit. Eh, pas mal, hein? Donc, j'ai peut-être, je me suis peut-être trompé dans l'horaire, mais je me souviens très bien des années de rencontre de mes invités. Il m'a dit qu'il t'avait donné des albums, mais... Celui-là, non. Celui-là, tu l'avais pas, non. C'est le nouveau. Non, eh, merci. Donc, t'as l'album puis 3 promos. Merci beaucoup. Manu, tu n'étais pas de Paris récemment? Il y a 2-3 ans, tu étais en banlieue? Non, moi, j'ai toujours été entre Paris et la Vendée. La Vendée, oui. Mais la dernière fois, avec Matt, tu étais en Vendée, donc tu pourrais pas venir, c'est ça? C'est sûrement ça. Mais là, tu es plus à Paris cette année? Ou... Ça dépend, non? J'ai toujours mon fils, moi, en Vendée, mais comme là, il est en vacances avec son père, je suis là. OK. Je travaille. Comme il est interne, la semaine, je viens travailler ici. Je vais voir Patrick. Ah oui? C'est ton grand ami, Patrick. C'est mon amoureux. Oh, je savais pas! Ah, ben voyons. On fera pas de patinage, là, parce que ça nous intéresse pas vraiment. Non, mais voilà. Par contre, c'est avec lui quand j'ai monté le label. Okay. Oui. Avec une record sur lequel je sors mes disques. OK. Voilà. Mais ton groupe... et j'ai plein de choses à te poser comme question parce que t'es vraiment... T'enregistres, là, c'est bon? Oui. D'accord, très bien. Là, tu dois partir à quelle heure, tu m'as dit? 6h25, ça va? 6h25. Oui, bon, oui. Ça oui. te va? Oui, une petite heure, oui, pas de problème, pas de problème. Ce que je voulais te dire, c'est que tu fais de la musique depuis quand même quelques années. Et tu faisais partie d'un groupe mythique qui, malheureusement, par la force des choses, s'est dissocié tragiquement. Oui. Est-ce que tu veux en parler? Ou... Oh, oui, oui, avec plaisir, parce que maintenant, Dolly, c'était une très belle période de ma vie. Je suis très fière de ce groupe. Et puis c'est, depuis que je fais des albums solo, c'est ma manière de rendre hommage à Mika à chaque album. Donc j'en parle facilement maintenant que les albums sont là. Bonjour, monsieur. Toi, qu'est-ce que tu veux prendre? Tu prends quoi, toi? Je vais prendre ce que tu vas prendre. Je suis comme ça dans la vie. Moi, j'ai toujours... Alors, j'hésite entre Montalo et Vert de Sancerre. C'est pas du tout la même chose. Hein? Donc, sans ça, ça serait une bonne idée. Hein? C'est bien, Montalo. Bien frais. Deux Vert de Sancerre, bien frais. Merci. Et oui, voilà, c'est-à-dire que quand j'ai commencé en solo, le premier album, je ne savais pas qu'il y en aurait d'autres. Hein. C'était vraiment une écriture spontanée pour me faire du bien. Et parce en mode que tu souffrais beaucoup. C'est-à-dire que c'est toujours douloureux, un deuil. Et puis quand le groupe s'arrête, et puis dans ma vie privée, il se passait des choses, donc j'avais pas mal de choses à évacuer. Pas mal de, on dit souvent qu'on écrit beaucoup et bien quand on est un peu dans la... souffrance, quoi. Donc voilà, je l'ai fait, mais je pensais pas le partager. Et puis en fait, j'ai attendu une année que ça aille mieux pour incorporer des titres mais votre groupe... plus positifs. Et puis j'ai fait le premier album Rendez-vous comme ça. Mais votre groupe, avant de malheureusement se dissoudre à cause d'Oli, de la mort d'un des membres, vous étiez quand même en pleine gloire. Vous étiez oui. Très haut perché dans. Oui, c'est vrai. Et vous aviez une visibilité. Nous étions allés au Québec, d'ailleurs. Oui, exactement. Par deux fois. Oui, mais vous aviez une visibilité aussi médiatique qui, malheureusement, a explosé par la mort de ton ami. Oui, et puis ça aurait pu continuer en solo, mais c'est compliqué, les médias. Hein. Je t'apprends rien. Donc, comme en plus j'ai quitté ma maison de disque Warner pour monter mon label en toute indépendance, les indés, on a du mal. Hein, à s'exposer aux médias, mais c'est pas grave parce que moi je continue ma route. Et... Mais effectivement, ça s'est arrêté. Tragiquement. Voilà, on était en pleine tournée, on tournait énormément. Est-ce que tu peux parler un peu de c'est quelque chose qui me manque. Si tu veux passer route. Oh, il y a eu un c'est un accident de voiture. Voilà. Et lorsque tu l'as appris, est-ce que vous alliez faire un spectacle ou Oui, oui, oui, on était en pleine tournée. On avait. Bon, c'était la veille de mon anniversaire, donc autant te dire que. Le 25 mai, tous les ans, je suis pas, c'est pas trop la fête. Non. Et le lendemain, mon anniversaire, je le souhaite. Mais bon, je le fête, mais bon. Mais on devait avoir un concert peut-être 15 jours après. C'était la période des festivals. Okay. On devait en faire pas mal. Donc, ça a fini l'histoire. Oui, on a essayé de repartir pour finir la tournée en hommage à Mika, mais on n'a pas réussi, c'était trop difficile. Ben oui. L'émotion était trop évidente et trop vite. Et maintenant, ça paraît bizarre de dire ça parce que Dolly, c'était vraiment un groupe, quoi. Et maintenant, les groupes, ils sont interchangeables, les membres. Mais beaucoup, moi, quoi. Tu parles de ton groupe à toi ou Merci. Merci. Ben moi, je suis en solo maintenant, je suis okay, plus en ouais. groupe. Mais je vois même dans les groupes, il y en a un qui est malade, bon, ben hop, ils prennent un doublon, un batteur ou je sais pas, un guitariste. Je trouve ça difficile, moi, de fonctionner comme ça, mais je suis obligée de le faire en solo. Oui, mais tu dis en solo, mais il y a quand même des amis qui viennent se greffer à ton disque. Tout à fait. Et moi, je suis très bien en solo aussi, hein, parce que je suis entourée des gens que j'ai choisis, qui m'ont choisi. Mais pourquoi tu n'as pas voulu créer un groupe avec ces amis-là qui peaufine un peu ton album, qui t'aide à... Bah, disons que le line-up, il a beaucoup changé depuis le premier album, puisque okay. à part le batteur, qui est toujours resté là, ben oui. c'est mon meilleur ami, fidèle au poste. Oui. Mais Nico, qui était avant avec Dolly, lui, il est parti avec Eiffel. Moi, je n'avais pas beaucoup de concerts. Enfin, j'en ai eu beaucoup au début, mais après, j'en ai moins, donc il fallait qu'il trouve d'autres activités. Après l'autre membre du groupe aussi, Ben, il avait d'autres projets, donc j'ai changé une première fois de line-up. Et là, c'est un peu plus facile parce que j'ai demandé à Patrick de venir avec moi sur la route. Okay. Donc jusqu'alors, il ne va pas s'enfuir pour faire d'autres horizons. Non, hein, si tout va bien, là. Voilà, et puis on a notre nouveau bassiste, Vince, avec qui on commence à préparer le nouvel album aussi, qui a l'air d'être fidèle au poste. Donc, parce que même si tu dis que c'est solo, t'as... Ah oui, ben... À la tienne. Hey, ben à nous. Ravi. Mm-hmm. Moi aussi. C'est bon. Très fruité. Ah oui, ça s'appelle le Sancerre, je disais quand même. Il se respecte. Heureusement que ça ne s'est pas appelé Ratatouille. Oui, ou... oui, oui. Non, mais c'est un beau respect pour l'endroit. Donc, mais tu parles de solo. Oui, c'est toi qui crée, c'est toi qui crée la musique, les paroles. Oui, voilà, je réponds à ta question. Pourquoi je ne l'ai pas fait dès le début? Parce que le premier album, il était trop personnel au niveau de l'écriture. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais imposer à... Quand on fait partie d'un groupe, chaque membre du groupe peut dire « cette chanson-là, elle me dérange un peu » ou « je voudrais modifier cette chanson, là, je voulais qu'on modifie rien du tout ». Et les propos étaient quand même très personnels. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais le sortir sous mon nom, Manu, tout simplement, le plus honnêtement possible. Ouais. Et puis j'ai repris goût à la scène, il s'est bien vendu cet album, donc j'en ai fait un autre. Mais ça a pris du temps par contre, parce que... Le deuxième a été plus compliqué, parce que c'était voilà. Le premier, c'était un flux de création dû à ce qui s'était passé dans ta vie professionnelle et intime. Donc, mais le deuxième, il se passe un peu moins de choses. Ben, le deuxième qui s'appelle La dernière étoile, j'avais pas envie de faire une redite de rendez-vous. Non. Et je trouvais que voilà, ça aurait manqué de pudeur de recommencer à parler de moi. Donc je voulais m'ouvrir vers les autres, arrêter de me regarder le nombril. Et du coup, ça a pris plus de temps parce que l'écriture n'était pas la même. Et puis ça m'a plu d'ailleurs de faire cette expérience. Donc j'ai dû mettre 2-3 ans. Entre temps, on avait sorti le DVD live à l'Élysée Montmartre. Et puis ensuite, ce deuxième album, La dernière étoile, et puis après un EP en japonais. Oui, et ça, je vais m'y attarder un peu. Mais c'est quoi cette folie-là? Mais, comme je t'ai dit avec Patrick, on a monté le label ensemble, et comme on est tous les deux des passionnés. Des passionnés de la culture nippone. Ah oui, de manga, de ces trucs-là. Là, voilà, manga, allez, ces trucs-là. Parce que j'adore. Moi, c'est à 10 kilomètres. Ce... oui, ok, oui. Mais les dessins, les animés de Miyazaki, tu connais? Oui, ben oui, oui, oui. Bon, voilà. Oui. Ça, c'est japonais, les jeux vidéo aussi, on est des geeks. Mais je suis quand même loin de ça, je ne suis pas très jeux vidéo. Les mangas, tout ça, donc je voulais rendre hommage à la culture nippone. Et comme j'ai la chance de connaître Suzuka Asaoka de la chaîne No Life, de télé No Life, elle m'a écrit, déjà pour le premier album, elle m'avait écrit un texte en japonais, j'en ai demandé d'autres. Et puis on s'est fait plaisir, on a fait un bel objet qui est sorti en vinyle aussi, et en CD. Et oui, mais comment tu fais pour te mettre ça en bouche? Eh bien, tout en phonétique. Oui, mais la phonétique, c'est quand même... j'ai travaillé comme un comédien travaille. Combien de mois avant de... J'ai quand même assez de facilité à faire de la phonétique. OK. Donc, par contre, j'avais Suzuka derrière moi qui me... Qui dirigeait. Qui me disait, là, c'est pas bien dit. Moi, je voulais être très respectueuse de la langue. Et avoir peut-être un accent, mais un accent qu'on dise, oh, c'est mignon, pas un truc pas respectueux. Non. Mais est-ce que c'est audible pour le public? C'est très bien remis, c'est très bien transféré, c'est très bien compris. Alors, public français, là, Non, pas français. Ah, japonais, oui. Moi, je demande à chaque fois, ils comprennent tout. OK. Et puis, comme c'est des textes, soit la faire des adaptations de mes textes, soit avec carte blanche, mais avec un thème. Soit qu'elle choisissait, soit que je lui donnais, et puis... C'est une poétesse j'avais ou... J'avais la... Non, pas du tout, elle est journaliste, c'était ses premiers textes, en fait. Okay. N'écoute pas ce qu'on dit de moi, n'écoute pas, écoute-moi, n'évite pas la vie. Come on. Je m'en souviens. Errance rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Très bien le français. Elle maîtrise plus ou moins, mais elle comprend quand on se parle, on se comprend très bien. Oui, mais c'est parce que tu lui racontais un peu l'histoire. Si elle comprenait pas vraiment la métaphore, tu l'amenais dans l'environnement que tu. Elle comprenait très bien. Pour le premier, sous Tekini, je lui avais dit que je voulais une chanson qui donne envie d'ouvrir les bras. Donc je lui ai fait smile. Elle a c'est tout de suite clair, capté. C'est clair, c'est pas compliqué. Après, il y en avait une autre, la musique était un peu plus sombre. Je lui ai dit « Fais ce que tu veux ». Et là, elle a fait une chanson sur un lendemain de cuite. De cuite, OK. Qui est très, très beau comme texte, qui s'appelle « Amako Oshiru ». Et puis sur l'EP japonais, on a fait des remixes de ce morceau. « Tenkiyame », qui est une chanson plus douce sur l'amour, un amour déçu un peu. « Tenkiyame », ça veut dire « sourire sous la pluie ». Oh. Donc c'est très imagé la langue malgré japonaise. Malgré tout souriant, il pleut, mais malgré voilà. tout souriant. On a toujours de l'espoir. Est-ce que le rock va bien avec le japonais? Ben écoute, j'ai l'impression que culturellement, les Français sont c'est le peuple, la population, une des plus grandes consommatrices de manga, par exemple. tout ce qui vient du Japon. Tu vois, non, mais le rock, est-ce qu'il se colle bien? Ben, il y a la J-pop, par exemple, sur Nalife, la chaîne de télé qui est spécialisée dans le Japon et dans les jeux vidéo. Ils ont un créneau rien que pour ça, pour la J-pop, avec le top. Et après, moi, je suis moins fan de la musique japonaise, rock, mais disons que ça... C'est pas ce que je vais écouter toute la journée, je trouve ça intéressant, mais j'adore l'image. Les clips, ils sont toujours super. Ouais. Ils ont des idoles là-bas. Ouais. Suzuka Asaoka, c'est notre French idol. On en a une en France, c'est elle. Okay. Donc les Français, ils adorent Suzuka, c'est une idole pour eux. Ceux qui aiment la culture japonaise. Est-ce que tu reprends sur scène cet album-là, quelques titres de cet album-là? Alors, Tenkiyame, de temps en temps, quand c'est pas en festival que je peux jouer plus longtemps, je le fais. Puis j'ai une formule acoustique harpe-violoncelle que je développe en parallèle de la formule électrique et où on reprend tout mon répertoire, mais avec harpe-violoncelle. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce que le violoncelle amène le côté classique, le côté un peu vaporeux, un peu atmosphérique. Et puis la harpe amène l'effet. Oui. C'est magique. Est-ce que tu dois revoir le côté rock de tes chansons? Quand tu t'appuies avec ces trois instruments-là? Oui, parce que d'abord, les chansons, elles sont des rock à la base. Oui, hein, moi, je ne sais pas faire autre chose. Et puis Damien Jarry qui fait le violoncelle et Christophe Saunière qui fait l'harpe sont tous deux issus du rock. Donc le harpiste, c'est même du punk rock. Ah, c'est intéressant ça. Parce qu'il il a fait partie de Peter and the Jesuit Babies, il a fait des morceaux avec le Wonderbar. Il a donné quelques... Mais c'est des bases solides. Voilà, donc, et puis Damien, avec son frère, il a un tribute le groupe Queen. Queen? Oui, avec son frère Thomas, ils font un piano violoncelle, ils reprennent Queen. Ok, c'est hommage à Queen. Voilà. Ok. Et pareil, lui, il est issu du glam, rock, et ce qui fait que ça reste tout à fait cohérent, mais c'est une autre approche des chansons. Mais le fait d'avoir choisi de faire un album en chinois, est-ce que c'était pour te reposer? En japonais. En japonais, excuse-moi. Est-ce que c'était pour te reposer de l'écriture de la poésie française que tu... C'était d'abord parce que j'avais envie d'essayer. Et puis ça m'a plu tout de suite parce que c'est très agréable à chanter. D'ailleurs, les enfants l'apprennent très vite. Ah ouais? Apprennent très vite les chansons japonais. Pardon. Parce que c'est très ludique à chanter. Donc ça appuie sur les mots, ça fait comme des comptines tu vois. Oui, c'est très concis aussi. Tu vois, Sutekini, les gamins, ils le chantent Kyo, Sutekini, Mutekini, Kileini, Kuo, Sutameini. Pour ça, ça fait très enfantin. Ah, c'est bon, oui. C'est bien, c'est bien. Et ton travail avant l'album, parce que c'est vraiment un disque là, dans lequel tu t'es fait plaisir. Oui, parce que dans tout, je me fais plaisir. Ah oui, mais celui-là surtout, parce que là, c'est une autre langue, c'est une autre approche de... Bah, disons qu'on va dire qu'on s'est fait plaisir dans un sens un peu particulier, à savoir que, hormis le plaisir qu'on a à faire des albums à chaque fois, là, on savait qu'on n'allait pas forcément en vendre beaucoup, surtout le vinyle, même si tout le monde dit que le vinyle revient à la mode, hein, c'est pas non plus des milliers de ventes. Non. On a fait un très très bel objet avec les illustrations Nico Itori 2. Le vinyle, il a un grand grand livret. Donc on s'est fait plaisir dans ce sens-là, artistiquement, on s'est fait très très plaisir. On a invité des gens qu'on admire à faire des remixes, dont 2080, qui est connu au Japon aussi, Alif Tree, Santiago Walsh, on a fait faire des remixes et on s'est fait plaisir dans ce sens-là. Ça nous a coûté un petit peu cher. Oui, c'est très cher, parce qu'on ne rentre jamais dans notre argent quand on fait ce genre de projet. Ce genre de projet, on ne l'a pas rentabilisé, mais voilà, ça nous a fait plaisir d'avoir un bel objet comme ça. Et puis qui sait, on va peut-être le vendre au Japon, quoi. Ah oui? Ah, mais c'est pas encore fait? Non, c'est en pourparler, mais c'est ça long, prend hein? du temps. Ouais. C'est long. Mais il est intemporel, celui-ci, donc bah oui, effectivement. Ça peut prendre le temps. Oui, mais on n'est pas pressé non plus. Non, moi, je suis plus pressé. Dans les meilleures conditions. C'est ça. Pourquoi maintenant? Avant, tu l'étais? Bah, c'est-à-dire qu'avant, quand on est en maison de disque, on a toujours des deadlines à respecter. Ah oui, parce que tu t'appuies par... Mais quand on est son propre patron, on se dit il sortira quand il sera prêt. C'est le cas du prochain. Oui, oui. Est-ce que tu vois une évolution narrative depuis le premier album qui était une urgence de dire, une urgence aussi de se libérer de tout ce qui s'était passé de négatif dans ta vie personnelle, de groupe? Est-ce que les mots s'entrecroisent d'album en album? Oui, parce que ça reste toujours... je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais je ne peux parler, je ne peux faire des textes qui ne sont que moi, en fait. J'aime pas raconter des histoires avec un jeu, avec quelque chose que je n'aurais pas vécu. Donc même si je suis dans l'observation, je me tourne vers l'extérieur, c'est toujours mon interprétation des choses. Là, elle est en terrasse de café, aux Abeilles, je vais regarder les gens, je vais imaginer leur vie, puis je vais m'en faire une histoire, mais avec mon vécu à moi, avec mes émotions, mes sentiments. Donc, alors toi, tu es le filtre, le regard est celui qui capte, voilà, et l'intérieur, c'est un filtre pour ensuite écrire ce que tu perçois. Voilà. Et donc, tout est-ce que tu fais ça depuis le début ou si c'est une méthode? J'ai jamais pu faire autrement. Ok. À l'école, aimais-tu écrire? T'étais la... Oui, j'aimais bien. J'aimais bien les on appelait ça les compositions françaises. Oui, chez nous aussi. Maintenant, ça a changé de nom, je crois. Les rédactions, tout ça, on appelait ça. Mais j'ai toujours aimé écrire, oui. Mais pas beaucoup à l'avance, à part pour rendez-vous, parce que je pensais pas le partager. Mais maintenant, je commence à prendre des notes à l'avance et à mettre les mots en musique. Je fais l'inverse de ce que je faisais avant. Ok, alors tu as changé de processus. Est-ce que c'est plus facile pour toi ou c'est moins paniquant surtout? Disons que je trouve ça plus riche et plus cohérent de mettre en musique des mots. Avant, il y a 10 ans, je t'aurais dit tout le contraire. Hein. Mais ça ne m'intéressait pas. Je trouvais que la musique perdait parce qu'on était limité par les mots. Okay. Et maintenant, je trouve que c'est plus joli. En fait, avant, la musique m'inspirait des mots et maintenant, les mots m'inspirent la musique. Puis des fois, ça vient en même temps. Parce que tu sens chanter les mots? Voilà, je trouve que c'est peut-être en grandissant musicalement et que je ressens les choses comme ça. Je ne sais pas l'expliquer. Une évolution normale, peut-être aussi. Oui, voilà. Puis le nouveau processus actuel, c'est celui de simultané. C'est-à-dire que je fais une chanson, je fais une mélodie et j'ai tout de suite des mots qui me viennent. Donc au lieu de faire la mélodie avec des espèces de mots, 6 millimots pour faire des notes. Du yaourt. Ce qu'on appelle le yaourt. Ou au lieu de partir d'un texte, ben je tout de suite je me lance avec les mots. Ça fait des phrases, c'est magique. Ben oui. Est-ce que tu es tout le temps inspirée? On dirait que ça vient tout seul. Je suis assez inspirée en ce moment, mais parfois... En ce moment, ok. Alors, il y a des moments. Voilà, là, ça fait 2 ans que j'ai déjà des morceaux prêts pour le prochain album. Mais comme je te disais, par exemple, La Dernière Étoile, la composition, elle a mis 2 ans, mais plus difficile, quoi. Mais lorsque tu dis « maintenant, je fais un album », est-ce que c'est une urgence ou c'est ça coule de source, tu peux pas faire autrement? Tu sais, comme tu n'as pas de maison de disque, la maison de disque, c'est hey, « écoute, tu n'as pas fait d'album, travaille-y parce que nous, on est derrière toi. » C'est ça. Donc, tu as comme une certaine pression, mais là, tu n'en as plus de pression. Non. C'est toi ton propre patron. Voilà, mais je me la mets quand même parce que j'ai envie de retourner sur les routes, moi, sur scène. Donc, sans album, c'est un peu plus compliqué. Mais tes chansons, est-ce que tu les fais vivre un peu dans des endroits clos de spectacle, histoire de voir ce que le public en pense? Et surtout les faire vivre avant de les rentrer en studio pour les enregistrer? Ça dépend. Là, j'espère qu'on va pouvoir le faire parce qu'on a quelques concerts avant la sortie de l'album. Et tu vois, chanter de ton nouveau... Des fois, on essaye. Des fois, non. Mais ça, c'est quelque chose qu'on faisait tout le temps avec Dolly. Oui. C'est un mot. comme on était tout le temps sur la route, de toute façon, Dolly, c'était studio, concert, studio, concert. Avait... C'est ce qui te manque aujourd'hui. Hein? Bah, oui, mais ça, c'est l'époque qui veut ça. C'est pas que mon statut d'indépendant. C'est aussi l'époque qui fait que pour tous les artistes, tu regardes la programmation des festivals. Hein, c'est... Il y a de la moins en moins de festivals. Oh là là, je sais pas s'il va réussir à se garer, lui. Il y a une moto derrière. Ça va pas, il s'en va. Ah. Je voyais mal le truc. Oui, les programmations du festival, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, donc ça laisse peu de place pour les autres. Alors, du coup, ça me manque, moi, de moins jouer, effectivement. En plus, comme je suis moins exposée médiatiquement, s'ils ont le choix entre deux. Puis alors, souvent, c'est le choix entre deux chanteuses, ça je comprends pas. Hein, comme on n'hésite pas entre deux chanteurs, mais deux chanteuses, on va éviter. Hein. Souvent, on me dit, ah ben non, j'ai déjà une chanteuse dans mon festival. Donc... C'est quand même con. C'est aberrant. Que, hein. Pourquoi choisir plus d'hommes que de femmes? Encore là, c'est de la misogynie. Ah, il y a encore beaucoup de travail. Oui, hein. Puis Simone Veil, j'espère qu'elle veille sur nous. Ah, ben oui. Petite mère. Oui, pauvre dame. Mais qui a fait beaucoup pour le. Ah, ben tellement. Tellement. Ouais. Pour la société, pas juste pour les femmes, pour la société en général. Tout à fait. Et puis, essayer d'ouvrir les consciences. Mais tu vois ce que je dis là, par exemple, quand je le dis à des garçons, ils disent « Ah, mais c'est vrai ce que tu dis, j'y avais jamais pensé. » Ah non ? Qu'on puisse me dire, par exemple, on va jamais dire « Tiens, j'hésite entre, Phoenix et puis… » Eiffel, c'est ça ? Voilà, Phoenix et Eiffel, ils vont prendre les deux parce qu'ils ont de l'actualité. Par contre, on va dire « Maintenant, je vais prendre Manu parce que j'ai pris Jeanne Hadid. » Ah, c'est complètement con, quoi. Mais quoi tu Je préfère, je trouvais ça moins con s'il disait je vais prendre Manu plutôt que Jeanne Hadid. Oui, c'est vrai. Mais... Je l'aime beaucoup, Jeanne Hadid, mais c'est souvent ce qu'on me disait l'année dernière lors des festivals, donc elle m'agaçait sans la connaître, la peau. Ah oui, ça commençait déjà. Est-ce que cet album-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir qui est rattaché à ce nouvel opus que tu prépares? À chaque fois, on a toujours l'espoir. On dit on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, qu'il y a enfin une radio qui se rende compte que depuis 10 ans, je ne fais que des belles chansons. Oui, depuis ce temps-là, où étiez-vous? C'est ça, parce que souvent, ce que les gens me disent, ils me disent « Mais comment ça se fait ?» Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que je suis repartie en solo. Mais avec Internet, ça se fait pas. Depuis 10 ans. Avec Internet, il n'y a rien qui se passe. Si, avec Internet, il se passe beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas. Il y a encore toute une partie du grand public qui n'est pas... Moi, je reçois encore des messages régulièrement de gens qui disent « Ah, mais je suis contente de te retrouver là, je ne savais pas. » Alors, je dis « C'est cool pour toi parce que tu as plein de retard à rattraper maintenant. » Oui, parce que j'y suis encore. J'ai jamais rien arrêté. En fait, j'ai jamais arrêté, oui. Est-ce qu'il y avait dans cet album-là encore, comme le premier, une sorte une urgence de dire? Je sais pas pourquoi il revient souvent dans ta bouche ce mot-là, urgence. Moi, je l'utilise pas comme ça, mais en même temps, c'est pas idiot parce que on a envie de laisser des traces, donc c'est toujours urgent. On se dit toujours que c'est peut-être le dernier. Ça presse. Soit parce que c'est le dernier, parce que la vie peut s'arrêter, soit parce que l'inspiration peut s'arrêter, parce que la vie peut prendre un autre chemin. C'est urgent dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail avant de se rendre en studio pour rendre ça plus rapide, pour que ça coûte moins cher? Ou si votre studio maison permet le fait qu'on prend notre temps? Alors maintenant, là, je suis dans une formule où je prends carrément mon temps parce qu'on, comme je veux tout faire moi-même, j'avais déjà commencé avec l'album précédent, là, de La Vérité, qui est sorti en 2015. J'avais déjà produit et mixé chez moi, mais on a refait pas mal en studio. Et puis là, pourquoi tu n'étais pas satisfaite? En fait, j'avais pas confiance en moi, donc je pensais qu'effectivement, c'était peut-être un peu cheap ce que j'avais fait. Alors qu'en fait, il y avait une vraie couleur. Alors, tu as été déçu un peu des gros studios parce que tu faisais quelque chose de c'était très bien. C'était pas un gros studio, puis c'était avec mon ingé son, Fred, donc c'est très bien entendu, on a très bien travaillé, mais j'ai perdu des choses en route que là, je veux pas perdre. Donc, je prends carrément le temps, et là, on est dans une petite maison à la campagne. Une heure de Paris, c'est bien, ça. Chez mon bassiste Vince, justement. Ah, c'est bien, ça. Et avec Patrick et Vince et Nirox, on prend le temps d'expérimenter les sons, on fait de la recherche de sons, on fait ensemble la structure. Soit j'arrive avec les morceaux et puis on décore ensemble, soit on les travaille ensemble. Et on est vraiment là, parti sur un album complètement winesque, comme dirait Patrick, Matt Murdock, parce qu'il est fan du groupe Win. Oui, oui. À chaque fois, il me dit, mais tu fais du win. Et je dis, bah, je dois pas m'en rendre compte, hein, je suis une winette. Mais voilà, on est parti sur des choses complètement expérimentales, mais toujours en gardant la chanson. Moi, j'aime les chansons. Et donc, ce qui me manque, c'est... quand j'écoute la musique maintenant, c'est soit des trucs complètement barrés, soit des chansons, très calibrées chansons, mais l'entre-deux, en France, en tous les cas, il n'y en a pas beaucoup. Le genre de choses que Tame Impala, Coco Rosie, Grandaddy, Grandaddy, tu vois, tout ça. Toutes ces couleurs-là, avec des textes en français, j'en entends pas. Non. Donc je vais le faire, okay. Parce que ça me manque. Tu vas défricher. Ben oui, je vais faire l'album que je... Tu vas créer une demande. Ben, je vais surtout faire un album que j'ai envie d'entendre. Oui, c'est ça. Oui. Et si ça correspond à une demande, tant mieux. Est-ce que tu essaies de te coller au bout du jour ou pas du tout? Ça non, pas du pas. Tout. Ben, tu vois ce que je viens de te dire, on en est loin. On est loin. Quoique Grandaddy, ils ont été album de l'année, l'album du mois, c'est Rock and Folk, alors que c'est pas pour moi pas le meilleur. Moi, j'ai tous les albums, je suis fan depuis le début et enfin, maintenant, ils sont reconnus. Ouais, mais au moins... Je me dis que j'ai de l'espoir. Non, mais c'est ça que j'allais dire, ça t'ouvre des horizons. Tu dis, ben, on fera pas un album pour rien, peut-être que... Moi, je me dis que de toute façon, il y a toujours un moment donné où... Voilà, les gens y ont accès. Ça c'est, à un moment donné, les gens vont le savoir, ça va s'illuminer. Voilà, et puis sinon, ce sera pas grave, parce que ça existe quand même. Hein. Je fais partie des gens qui vendent 3000 albums à chaque fois, c'est pas rien. Non. Même si ce sont des chiffres dérisoires par rapport à l'époque que j'ai connue, oui. C'est quand même beaucoup. Avec le peu de force de frappe médiatique, on n'a pas une force de frappe médiatique comme peuvent avoir des groupes comme La Femme, Fauve, Camille... Christine and the Queen, ça, on n'a pas du tout cette force de frapper en tant qu'indé. Donc ça veut dire que chaque fois que je sors un album, il s'en vend, à part le premier qui s'est vendu beaucoup plus, mais il s'en vend 3000. Mais maintenant, il faut que j'élargisse. Mais j'ai une question qui m'intéresse au plus haut point. Lorsque tu proposes un album que tu as toi-même enregistré et que tu as créé l'étiquette, tout ça, est-ce que France Inter est intéressé par ça ou si c'est pas une grande maison, ils ne toucheront pas à ton album? Si, France Inter, ils ont été partenaires du deuxième album, La Dernière Étoile. OK. Ils m'ont pas suivi sur le troisième, La Vérité, parce que comme je ne fais jamais un album pareil, il est peut-être un peu trop rock brut pour eux. Mais La Dernière Étoile, ils l'ont bien soutenu. Et l'autre va ressembler peut-être à l'avant-dernier? Moins rock. Non, ça va être un mix du dernier et puis de quelque chose que j'ai encore jamais fait. OK. Le dernier est celui qui est une projection, c'est futuriste. Ça. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qui t'inspire? Tout. Tout t'inspire. Qu'est-ce qui t'inspire pas? Rien. Si j'aime pas la vulgarité gratuite, les textes vulgaires, les chansons qui font rire. Ah oui, t'aimes pas les chansons qui font rire? Non, après j'ai beaucoup de potes qui font de la musique festive, comme on dit. Oui. Mais en vrai, je supporte pas d'écouter ça, quoi. Okay. S'il y a ça en festival avec des... Je vais regarder, ça me fait rire. Ah oui. Mais pour toi, personnellement, non. Non, moi, il faut que ce soit épidermique, faut que ça me file les frissons, faut que ça me parle. Sensuel. Donc, ou rock. Sensuel, rock. Ou vif. Tout ce que tu veux, ce qui soit qui est lié à l'émotion, au sentiment. Moi, le plus gros compliment qu'on puisse me faire, c'est une fois qu'on délivre les chansons, comme elles sont toujours, ce sont toujours des textes ouverts, les gens ils se l'approprient par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Ça, et ils vont choper des mots. Et puis moi, c'est ça qui me plaît, parce que ça leur a filé les poils, ça leur a filé de l'émotion, ça leur a parlé, ça les accompagne. Voilà, ça c'est les un beau... Les chansons vivent avec nous. C'est ça. Dans l'intimité. Et des fois, d'une manière totalement différente, du départ de la création de la chanson. Oui. Ah oui, mais oui, c'est ça. Des fois, tu ne croyais même pas que ça allait atteindre un certain public. Et oui, c'est le cadeau. Il y en a qui se sentent... As-tu des retours quelquefois émouvants? Mon père est mort, mais j'ai écouté un de tes albums et ça m'a aidé à sortir de mon marasme. C'est tout le temps. Que ce soit des courriels tout le temps, oui, des mails. Quand les gens, soit je les rencontre après les concerts, ils me le disent, soit ils me donnent des petites lettres parce qu'ils sont pudiques, ils n'osent pas le dire. J'ai gêné aussi, ils n'osent pas. Ou par Facebook, je reçois des mots sur le site aussi. Et puis souvent... T'es touché? T'es... Bah oui, c'est très touchant. Des fois, c'est même... Il y en a qui disent, bon, des fois, c'est un peu des grands mots, mais genre, cet album m'a sauvé la vie. Mais on a tous des livres, des films... ou des chansons, des albums qui ne nous ont pas sauvé la vie, mais qui nous ont donné une ouverture à se dire « oui, c'est possible ». C'est ici que l'on s'échoue, que la lumière se dissout. Serait-ce la fin de l'histoire? Cela arrive sans crier gare. Je n'y crois pas du tout. La vérité, je m'en fous. Je verrai bien le jour s'il survient. De presque rien. Pourquoi laisser l'amertume envahir le ciel et les dunes? Je vais sauver mon paysage, les corps de sel et les mirages, passer souvent inaperçus. She's mine, she looks so good. I wanna hold. faut que je fonce, quoi. Même si on rechute des fois, oui, ben oui, on réécoute la chanson, ben ça aide. C'est, on descend la boule, mais on peut aussi la laisser partir en plein milieu. De... C'est pour ça que j'essaye toujours de faire des textes, même quand les textes qui peuvent paraître sombres, j'essaye toujours de mettre une note d'espoir, ou alors de mettre une musique légère dessus. Parce que je veux pas plomber les gens. Moi, l'idée, c'est plutôt de positiver. Quoi. Mais lorsque tu reçois des messages comme ça, ça te prouve que tu dois pas arrêter? Oui. Et c'est important pour eux. Donc... Ben à chaque fois, je les remercie justement pour ça, parce que je suis comme tout le monde, j'ai le moment de découragement. Hein. Oui. Surtout quand c'est difficile, la musique, en vivre, moi j'en vis plus, hein, faut le savoir quand même. Je travaille tous les jours pour 0 centime. Quoi. Donc, parce que chaque centime est réinvesti dans l'album précédent. Donc, mais en tous les cas, je le fais vraiment par plaisir, et quand j'ai des moments de découragement, ces preuves-là, c'est... C'est ces petits mots-là m'encouragent à continuer, me motivent. Puis qu'est-ce qui te pousse à continuer quand tu fais pas un sou? Comment tu peux arriver à subvenir à tes besoins primaires? Ben, malgré tout, je me sens encore privilégiée, tu vois, même sans le sou, parce que j'ai le privilège de quand même encore assouvir ma passion. Il y a des albums qui ont fonctionné, donc c'est là-dessus que tu peux... Ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu le choix, je me suis posé la question, bon, maintenant t'arrêtes tes conneries. Tu vas prendre un travail normal, hein, comme tout le monde, normal entre guillemets, tu vas prendre un travail, quoi. Tu ramènes un salaire à la fin du mois, parce que j'avais quand même mon gamin, bon. Mais tous les gens de mon entourage m'ont déconseillé de le faire, ils ont bien fait d'ailleurs. Mmh. Tu les remercies? Je les remercie, parce que j'aurais peut-être pas continué, parce qu'ils m'ont dit tous, si tu fais ça, la musique, c'est fini, quoi. T'en feras plus que comme ça de temps en temps. Et puis, c'est très dur une fois qu'on retourne dans le circuit. Quand tu fais oublier Jeanne Masse, plein de chanteuses qui se sont arrêtées, tu peux pas reprendre. Les gens t'ont oublié. On peut toujours reprendre, je pense, mais... Mais c'est plus la même chose, c'est fini. Le fait de ne pas avoir arrêté, qu'on m'ait donné les moyens de continuer. Donc, je remercie, par exemple, des partenaires comme Dom de Planet Live, qui m'a toujours ouvert sa porte pour que je puisse... répéter, enregistrer, c'est un mécène pour moi. Patrick qui m'a toujours encouragé en me disant bon, on verra si un jour vraiment financièrement on est dans la grosse galère, ouais. Eh bien on verra, mais pour l'instant on continue, on va s'arranger et puis effectivement on arrivera à s'arranger. Et puis moi au bout d'un moment, à force de faire des titres, j'ai quand même des revenus de SACEM qui tombent, de Spedidam, d'Adami, enfin tout ce qui est des droits des interprètes qui tombent de manière tout à fait aléatoire, mais il y a des années plus dures que d'autres. Mais j'ai pas de gros besoins, moi, donc je me nourris de ça, ça me va très bien. Ok, alors tu as appris à vivre d'une manière beaucoup plus sereine et moins onéreuse. J'ai jamais été quelqu'un qui avait des goûts de luxe. De luxe. En fait, moi, au départ, j'avais pas de sous, après j'en ai eu beaucoup. Et puis, alors c'est là, quand on en a eu beaucoup, c'était bien parce qu'on avait, on était autonome, on avait notre studio d'enregistrement, notre local, donc ça c'était bien. On a une grande baraque où on vivait en collectivité avec Dolly, tout ça, c'était pratique pour ça. Maintenant que j'ai plus ça, voilà, ça c'est vraiment génial. Pour la créativité, c'est bien. Là, ça me manque un petit peu de ma pièce en fait, voilà. Là, pour l'instant, j'ai pas les moyens d'avoir un endroit où vivre, où j'ai ma pièce à moi. J'ai besoin, moi, d'être seule. Donc, je suis toujours dans un environnement un peu ouvert. Mais c'est pas grave. Je me dis que ça viendra. Et le dernier... Ça reviendra. Ben oui, il faut jamais abandonner. Il faut toujours garder l'espoir. Puis au moins, tu te rends compte d'être en train de dire « il me manque ma pièce », alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas un toit au-dessus de la tête. Donc, c'est un petit peu des problèmes de riches qui ne sont pas riches. Ben pas vraiment, parce qu'on veut toujours améliorer notre sort, et ça c'est certain. C'est ça. Hein? On est dans un grand pouvoir, puis on essaie de tirer le meilleur parti. La meilleure partie de notre jeu. C'est ça. C'est-à-dire que je pense que franchement, pour la musique, ça m'aiderait d'avoir mon studio. Même si là c'est un home studio dans la cuisine ou dans le salon. Ah ouais. Et que j'aspire à avoir une pièce, mais ça va se faire. Il faut prendre le temps. Mm-hmm. Mais sinon, ma vie, elle est belle. Hein. Est-ce que le dernier album, tu travailles là-dessus constamment ou non, tu veux pas trop accaparer, tu veux pas trop te laisser envahir? Moi aussi, je me laisserais envahir avec délices. je suis polluée par, par les trucs du quotidien, les choses du quotidien que tout le monde a à faire. Hein. Ouais. Et puis aussi, quand je te dis que je travaille tous les jours, c'est pas que de la musique, c'est tout l'administratif pour Tekini Records. Je fais la comptabilité, je fais les factures, parce que c'est pas l'activité de Manu qui rapporte le plus. On a une activité annexe concernant les jeux vidéo et l'audiovisuel. Je suis en train de, sur un projet que je développe aussi, de livre audio, tout ça par passion. Qu'est-ce que tu veux dire par livre audio? Eh bien, on va sortir à la rentrée le livre audio du roman de Noël Mattei, Les Amours Anormales, que je conseille à tout le monde de lire. Noël Mattei, qui est un musicien, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Madinka. Et c'est son deuxième roman, et comme moi je fais beaucoup de routes, pour pas m'endormir sur la route quand je suis toute seule, je mets un livre audio. Le livre audio, c'est livre lu. Oui, par des artistes ou par quelqu'un qui... Soit par l'auteur, soit par des comédiens. Ouais. Des fois, c'est pas très bien lu. Je me procure, c'est super. Et par contre, je trouve que c'est toujours un peu cheap au niveau de l'habillage sonore, du sound design. Ça y est, on a fait l'a fini. Normalement, c'est juste la voix. Donc, c'est Jeanne Moreau, c'est... Jeanne Moreau, elle se suffit à elle-même. Mais oui. Quand on est dans un contexte de... Nous, on va se spécialiser dans le roman trash, rock'n'roll, thriller. Et donc, on fait des musiques dessus et on fait un environnement sonore correspond à chaque chapitre. On se fait plaisir encore là. Et c'est toi qui... C'est ta maison qui produit... Voilà, c'est Tekini Records qui produit. Et tu me diras le suivi de ça parce que je veux me procurer. C'est très, très, très intéressant. Est-ce que c'est des tracks ou si c'est une continuité? Ça pourrait. Alors là, on ne l'a pas fait parce que... Mais c'est terminé ou il n'y a rien de fait encore? Si, ça y est, elle est finie, là. Ah oui, alors est-ce que c'est des tracks ou... Alors, c'est des chapitres. Des chapitres aussi. Chaque chapitre a une ambiance sonore au départ qui correspond au chapitre. Alors, on n'a pas trop développé la musique sur celui-là parce que tout son roman... Il est fait de références musicales d'artistes très connus. Par exemple, les Cure. Le problème, c'est le droit d'auteur. Voilà, donc on n'a pas pu. J'étais citée dedans aussi, donc moi j'aurais pu très bien céder mes droits, mais si les on s'était dit, pas, voilà, on prend tout le monde ou personne. Ça fait bizarre. Donc du coup, mais par contre, l'idée, c'est justement les prochains que. Soit la personne est musicienne et on fait la musique ensemble ou elle propose ses musiques. Et que c'est une bonne idée. Ou soit je la fais, quoi. Mais c'est une bonne idée. Mmh. Ah oui, là avec un habillage sonore, là c'est autre chose. Là. Voilà, c'est un livre audio amélioré, de qualité, dans une collection bien précise qui pour l'instant n'existe pas. Et le premier, donc, il n'y a aucune chanson, mais ça parle de musique. C'est très empreint de musique, ça parle pas de musique, mais c'est un roman... Il y a beaucoup de références musicales. Je peux pas en parler parce que ça gâcherait tout, il faut le lire. Et puis je t'invite à l'interviewer, Noël Mattei. Oui, parce qu'il est très intéressant. Il va sortir un album d'ailleurs l'année prochaine. Et puis si tu veux, on vient ensemble parler du livre audio. Pas de problème. Car oui, ça m'intéresse au plus point. Parce que c'est vrai qu'on peut s'endormir dans ce genre de style-là quand c'est juste une voix qui narre, même si c'est Isabelle et Jenny. Il manque peut-être la facture de. Mais sans faire non plus de radio-roman. C'est ça. C'est sans faire la porte qui s'ouvre ou ça non, c'est voilà, autre chose. Non, on fait pas. Mais. Le téléphone sonne, dring, voilà. Non, ça c'était fait dans les années 60. Mais c'est vrai qu'habiller ça d'une musique, c'est tout à fait intéressant. Mais c'est ça, il y a des passages qui sont intenses et en fond, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un fond sonore qui va habiller le passage de manière à ce qu'on va être dans une humeur, dans un mood qui correspond au chapitre. Quoi. Avez-vous... parce que je sais très bien que les livres audio que moi je possède, on ne peut pas diffuser ça à la radio. Ouais. Est-ce que vous, il n'y aura pas de problème là-dessus? Non, parce que c'est nous. Ah oui, c'est ça, c'est l'ouverture de... Ah oui, ah ben ça c'est pas mal. D'ailleurs, c'est un projet de Patrick, mais ça j'en parlerai plus tard, mais tous les livres audio plus tard, qu'on va faire... Dans la discussion, plus tard dans les années? Plus tard dans les années, parce qu'avec Patrick, il a tellement de projets en cours qu'il faut qu'on arrive à tout mener à bien, mais... C'est une machine à rêve. C'est ça. Une machine à conception, pas à rêve, parce que les rêves, on doit les mettre en... C'est ça. OK. Mais le but, c'est que ça existe aussi radiophoniquement, bien sûr. Ah, ça, c'est pas mal. D'épisodes, quoi. Oui. Un feuilleton sonore. Un feuilleton. Ah, c'est pas mal. Un feuilleton sonore.